Bon, demain, on part à 6h du matin. Oh, 6h ! Parfois, il y a des chiffres qu'on n'aime pas. Et du coup, réveil à 4h. Oh, non. Heureusement, avec Fortunéo, il y a des chiffres qu'on aime. Comme celui-ci, 5,50%. C'est le taux d'intérêt brut annuel pour toute première ouverture d'un livret plus pendant 4 mois. Fortunéo, j'aime ma banque. Offre valable jusqu'au 15 avril 2024 sur vos versements jusqu'à 100 000 euros, limité à un livret plus par personne majeure. Taux annuel brut contractuel de 2% et fiscalité en vigueur susceptible d'évolution. Autres conditions et fiscalité sur fortunéo.fr. Bonjour, c'est Xavier Mauduit. Je vous propose des regards différents sur le premier conflit mondial. À Verdun, quand la forêt s'en va en guerre. Et à l'ombre des combats, avec Proust face à la guerre. Ce sont des femmes sur tous les fronts et des tirailleurs sénégalais pour des colonies mobilisées. D'ailleurs, comment gagner la guerre ? Par le djihad au service de l'Allemagne ou par l'économie afin de ruiner l'ennemi. La Grande Guerre, une histoire. Le cours de l'histoire. Xavier Mauduit. À l'ombre des combats, Marcel Proust face à la guerre. Le Carnet de la Semaine est un journal satirique qui est né pendant la Première Guerre mondiale et qui poursuit sa vie après l'armistice. Le 29 janvier 1919, il s'intéresse à la littérature à la mode. « Prudence est mère de sûreté », c'est le titre de l'article. Monsieur Marcel Proust bénéficie chaque jour d'une vogue croissante chez les jeunes. Le journaliste s'étonne de l'annonce d'un titre de roman à paraître, « Sodome et Gomorre ». Il paraît que la mentalité du public pendant la guerre et du public d'armistice est inapte à comprendre le sujet de ses livres. Et le journaliste conclut que Marcel Proust attend philosophiquement les temps meilleurs où, d'exprimer sa pensée, on aura la liberté. Du côté de chez Swann paraît, à la veille du premier conflit mondial, l'œuvre se poursuit après. Quelle place pour la guerre dans l'œuvre de Marcel Proust ? Nathalie Mauriac, d'ailleurs, bonjour. Bonjour Xavier Mauduit. Au moment de réfléchir à Proust face à la guerre, mettons de compter un peu l'œuvre et pensons à l'individu lui-même, Marcel Proust, en 1914. Quelles sont ses obligations militaires ? Alors, il a été rayé des cadres en 1911. Donc en fait, il n'est pas mobilisable en principe, mais il va craindre... jusqu'en 1915-1916, d'être mobilisé et il va attendre de passer le conseil de révision et il va passer plusieurs fois devant les militaires. Donc il a cette épée de Damoclès au-dessus de lui. Est-ce que je vais être mobilisé ? Et il dit qu'il ne vivrait pas plus de 24 heures s'il était mobilisé et que son devoir à lui, son devoir à accomplir, c'est d'écrire son œuvre. Mais c'est vrai que c'est vraiment une épée de Damoclès qu'il sent au-dessus de lui. Proust de santé fragile. C'est un vrai malade, c'est un grand asthmatique et ce n'est absolument pas un malade imaginaire. Mais à l'époque, l'asthme n'est pas considéré comme une maladie qui vous rend inapte forcément au service. Oui, et puis il voit de plus en plus autour de lui de personnes appelées pour aller combattre. Alors il se dit à un moment, ça va m'arriver. Et d'ailleurs, au plus près de lui, son frère. Son frère Robert Proust, qui est mobilisé dès le 2 août 14. Il est à la gare de l'Est et Marcel Proust l'accompagne. Et il part sur le front et il se conduira avec un grand courage parce qu'il sera dans les premières ambulances automobiles chirurgicales qu'on appelait les autochires. Il sera dans l'autochire numéro 1 et il opérera quasi sous les bombes. Ces malheureux soldats qui arrivaient dans des états épouvantables, ils essayaient de les opérer au plus près du front pour en sauver le maximum. Donc Robert Proust sera cité à l'ordre de l'armée plusieurs fois. Oui, Robert Proust, médecin, frère de Marcel, est très présent d'ailleurs dans la presse quand on le garde en 1914. Il est très cité, presque même plus que Marcel. C'est vraiment quelqu'un... C'est un héros de guerre. Oui. C'est quelqu'un d'important. Et autour de Marcel Proust, comment cela se passe-t-il ? Beaucoup de gens sont appelés à la guerre ? Beaucoup de personnes de sa famille, de sa parentèle maternelle éloignée sont appelées. Ses amis sont appelés. En particulier Robert Dumière et Bertrand de Salignac-Fénelon, qui sont des hommes qu'il aime infiniment, et il aura la grande douleur de les perdre, en particulier Bertrand de Fénelon. Et ce sera le grand drame de la guerre pour lui, parce que pendant Il sera tué en fait très, très tôt en décembre 14, mais on apprendra vraiment, on sera vraiment certain de sa mort que 2 ou 3 mois plus tard. Et donc Proust ira d'espérance en déception et en nouvelles espérances. Et donc ça sera vraiment un deuil pour lui. C'est le deuil emblématique pour lui, celui de Bertrand Fénelon. Et puis dans cette histoire, il y a le positionnement où est-on au moment de regarder la guerre? Alors, il y a toute une littérature de guerre de ceux qui ont combattu, et puis il y a Marcel Proust. Où est-il pendant le conflit? Oui, il est à l'arrière. Hein, il est à l'arrière. À l'été 14, il est juste au printemps, juste à l'automne 14, il va brièvement à Cabourg et il revient. Et le voyage est épouvantable parce que le train est rempli de soldats qui partent. Mais enfin, il est à l'arrière tout le temps du conflit. Et donc, il est, je dirais, en première place pour étudier les comportements de la société qu'il fréquente pendant la guerre, lire la presse. Il dit qu'il lit 7 journaux par jour, donc même des journaux suisses. Hein, il apprécie beaucoup la chronique d'un certain Feller dans le journal de Genève. Il lit le journal des débats, il lit le Figaro. 7 journaux par jour parce qu'il se tient extrêmement au courant de ce qui se passe. Bien sûr, et il est extrêmement critique de la presse. Hein. Il dénonce à la fois le chauvinisme, le bellicisme, les mensonges, les postures de la presse. Et donc il est à l'arrière et il dit que la guerre est sa préoccupation constante. Il dit qu'elle est une substance, il décrit dans une lettre qu'elle est une substance qui s'interpose entre lui et les objets du monde. Hein, c'est comme quelque chose qu'il faut traverser pour atteindre à la réalité. Et il dit, comme on aimait en Dieu, je vois dans la guerre. Donc la guerre est vraiment une substance permanente hein, qui l'occupe. Et il souffre beaucoup. Il dit qu'il a beaucoup de souffrance pour tous ces morts qu'il ne connaît pas. Il dit souvent qu'il souffre de leur mort. Et on peut penser que c'est vrai. Mmh. Oui, parce qu'il ne peut pas échapper, mais comme aucun de ses contemporains, non, à ce traumatisme absolu qu'est la Première Guerre mondiale. Traumatisme absolu et il est extrêmement furieux dans sa correspondance de voir certains articles de presse qui, quand l'Allemagne commence à vouloir un peu chercher la paix, au contraire, jettent de l'huile sur le feu et sont bellicistes et militaristes. Et il en est très, très mécontent. Avec nous aujourd'hui dans le cours de l'histoire, pour parler de Proust face à la guerre, Hervé Pichery, bonjour. Bonjour. Vous êtes professeur associé à l'université d'Austin, au Texas. Vous nous appelez du Texas, il fait nuit autour de vous en ce moment. Vous avez écrit le livre des écorchés, Proust, Céline et la Grande Guerre. Nous connaissons l'œuvre de Proust au sens où il raconte des événements qui sont un petit peu antérieurs. Il y a un décalage entre le moment où il écrit et puis ce qu'il raconte. La temporalité est floue. Par contre, dans sa vie, la guerre est une évidence à un moment donné. Est-ce que cela transparaît tout de suite dans son écriture? Oui, dans le sens que la guerre accélère un projet en cours, un projet de préservation du passé, un projet aussi de transplantation du passé qui est conservé d'abord dans les monuments. L'église de Cambrai joue un grand rôle dans son texte. Et la guerre, c'est aussi la guerre qui assassine les églises. Donc pour Proust, c'est un travail de déplacement de cette culture. La guerre ne fait qu'accélérer ce projet en cours. La guerre accélère ce projet en cours et au moment d'évoquer les églises, il y a une meurtrissure gigantesque pour Proust, mais pour l'ensemble des Français et des Françaises. Cela se passe à Reims. La cathédrale de Reims, dont la pierre porte encore les traces des bombardements de 14-18, finit lentement de panser ses anciennes blessures. Jour après jour, année après année, ces 2 tailleurs de pierre restituent leurs détails aux sculptures et il semble qu'ils aient hérité de leurs devanciers du Moyen-Âge le même geste patient, le même mépris du vertige et la même insouciance du temps. Ce sont les archives des actualités françaises qui, en 1951, évoquaient les bombardements de la cathédrale de Reims en 1914. Hervé Pichery, le livre des écorchés, le titre de votre ouvrage, Écorcher le mot, est passionnant. Là, dans le contexte de la guerre, les Français souffrent. Alors, ils souffrent, ceux qui sont au front, et puis tout le monde souffre, et notamment quand la cathédrale de Reims est bombardée, Proust aussi, si sensible aux traces du passé, reçoit une blessure. Tout à fait, oui. Et d'ailleurs, il réédite bientôt après un texte de 1905, La mort des cathédrales, avec une préface où il explique que la guerre est telle que ça change le sens des mots. Et bien sûr, la mort des cathédrales en 1905, c'est la mort spirituelle pour lui, à cause des lois de la séparation. Mais ça devient quelque chose de très réel, de trop réel, un vrai traumatisme. Et ce traumatisme-là, vraiment, il est symbolisé par la cathédrale de Reims, mais il peut être décuplé de plein de manières. Par exemple, pour la cathédrale de Reims, Proust connaît ça par les journaux, c'est-à-dire que, comme nous l'a dit Nathalie Mauriac d'ailleurs, il y a une vraie culture journalistique chez Proust. Il lit, il s'imbibe d'informations, il est en quête de comprendre son temps, mais est-ce pour que cela transparaisse dans son œuvre, Hervé Pichery? Oui, d'ailleurs, Proust, s'il est à l'arrière, il envoie l'église de Combray au front, puisque au début de la recherche, Combray se situe plutôt près de Paris. Pour que Combray et l'église de Saint-Hilaire participent à la guerre, il déplace un peu pour mettre son église au front. Ce qui est passionnant d'ailleurs de voir cette translation, il a besoin que l'église de Combray soit presque un symbole de Verdun. Oui, en quelque sorte, et d'ailleurs d'une blessure qui dépasserait peut-être même la destruction humaine, la destruction d'un symbole qui dépasse tous les régimes, tous les changements d'État. Politiquement, nous l'avons évoqué dans le cours de l'histoire, des émissions à podcaster, à écouter sur franceculture.fr et l'appli Radio France. Proust, politique, apolitique, positionnement extrêmement complexe de Proust. Nathalie Mauriac d'ailleurs, Proust face à la guerre. Évidemment, on peut imaginer un mouvement extrêmement lié au patriotisme ou un mouvement lié au pacifisme. Où se situe-t-il? Alors, c'est extrêmement difficile à dire parce que il est certainement patriote. Il n'y a aucun doute qu'il est patriote, mais il n'est pas du tout militariste. Donc, la question est extrêmement difficile et elle est si difficile que le narrateur ne prend pas vraiment parti. Et Proust, dans ses brouillons, dit que les positions contre la presse, c'est Monsieur de Charlus qui les énoncera. Et il dit, la germanophilie, ce sera Monsieur de Charlus qui l'énoncera. Donc, tout ce qui est, extrêmement sensible, Proust le délègue à des personnages, à des voix qui sont plus ou moins suspectes, puisque Charlus n'est pas un personnage forcément fiable, au sens où on ne le... Comment dire, il est présenté comme extrêmement cruel, excessif, etc. Donc sa germanophilie et son pacifisme sont du coup dévalorisés. Mais ça ne veut pas dire que Proust n'a pas des tentations pacifistes et des tentations germanophiles. Proust est ulcéré par les campagnes anti-allemandes, anti-wagnériennes, qui se produisent au début de la guerre, par exemple sous l'égide de Saint-Saëns. Et c'est pour ça que de manière extrêmement provocante, il fait tenir à Saint-Loup, qui donc est un patriote, c'est le contraire de Charlus, c'est un patriote engagé, courageux, et il lui fait tenir des propos, non pas pro-allemands, mais qui sont un hommage à la culture allemande, en comparant les avions à des Valkyries, à la chevauchée des Valkyries, sauf que, paradoxe, ce sont les avions français qui sont comparés à des Valkyries. Donc, c'est encore plus subtil, n'est-ce pas? Parce que c'est une manière de dire que oui, il n'y a pas de différence, au fond, entre ces aviateurs qui luttent dans ce ciel. Donc, oui, la polyphonie proustienne est extrêmement importante. Et en y réfléchissant, j'ai retrouvé cette phrase qui me paraît correspondre, en fait, à ce que pense Proust. Il évoque quelque part les êtres contradictoires, le méchant, le sensible, le délicat, le mufle, le désintéressé, l'ambitieux, qu'on est tour à tour chaque journée. C'est-à-dire que les positions, au fond, à l'intérieur de l'individu, se déplacent et évoluent. Mais si on revient à l'histoire des églises, ce qu'a dit Hervé Pichery est très important, ce déplacement du front, ce déplacement de Combray, de la région de Chartres, c'est-à-dire près d'une grande cathédrale, en fait, vers la Champagne, pour que Combray soit sur la ligne de front, est extrêmement important. Et ce qui est encore plus étonnant, c'est que quand on lit le texte, on voit que non seulement l'église de Combray est détruite, mais qu'elle est détruite par les Français et les Anglais, parce que c'était devenu un observatoire allemand. Donc ce sont les Français qui eux-mêmes détruisent leur patrimoine. Donc c'est une sorte de réponse à la destruction de Reims. Les Français aussi ont détruit leur patrimoine. Et c'est là qu'on voit la subtilité du discours de Proust. Ça n'est jamais univoque. Il essaye toujours d'incorporer les différents aspects d'un problème, et ce qui fait qu'on ne peut absolument pas trancher. On ne peut pas trancher, et vous l'avez clairement expliqué. Il confie à des personnages des discours, il y a les uns, les autres. Et le discours de Charlus pendant la guerre est passionnant. L'extrait est lu du temps retrouvé dans le cours de l'histoire par Pierre-Marie Baudouin. C'était une des idées les plus à la mode de dire que l'avant-guerre était séparée de la guerre par quelque chose d'aussi profond, simulant autant de durée qu'une période géologique. Et Brichot lui-même, ce nationaliste, quand il faisait allusion à l'affaire Dreyfus, disait « dans ces temps préhistoriques ». À vrai dire, ce changement profond opéré par la guerre était en raison inverse de la valeur des esprits touchés, du moins à partir d'un certain degré. Car tout en bas, les pursots, les purgeants de plaisir, ne s'occupaient pas qu'il y eût la guerre. Mais tout en haut, ceux qui se sont fait une vie intérieure ambiante ont peu d'égard à l'importance des événements. Ce qui modifie profondément pour eux l'ordre des pensées, c'est bien plutôt quelque chose qui semble en soi n'avoir aucune importance, et qui renverse pour eux l'ordre du temps en les faisant contemporains d'un autre temps de leur vie. Un extrait du temps retrouvé dans le cours de l'histoire. Hervé Pichery, quand Proust nous donne ce type de discours qu'il confie à Charlus, nous imaginons que c'est le fruit de ses lectures des journaux. Quand il parle de Combray pendant la guerre, comment construit-il son œuvre? Lui, il n'a pas été sur place, il n'a pas été combattant, il n'a pas vu. C'est une transformation de ses lectures pour voir ce qu'a pu être le front? Oui, j'imagine que c'est une transformation de ce qui se passe autour de lui et aussi une fictionnalisation, parce que je pense que ce qui est important dans les rapports de Proust avec la guerre, c'est l'extension du domaine du fictif. Et la fiction qui devient non seulement un moyen de représenter la guerre, les dégâts de la guerre, mais aussi un refuge face à cette catastrophe. Donc, c'est à la fois le moyen de présenter cet événement, mais aussi de donner au lecteur les moyens de faire face à ces événements. On peut dire que l'œuvre de Proust pendant la guerre, c'est un roman de guerre, mais alors pas un roman de guerre au sens où on l'entend, au front avec les combats, c'est un roman de l'arrière. L'arrière fait aussi partie de cet univers. Tout à fait, oui. Et l'arrière qui, je dirais de l'arrière, mais aussi de l'arrière boutique de l'âme, en ce sens que c'est la partie de la recherche qui développe le plus ce domaine chez le lecteur qui est l'intériorité. Pour digérer tout ce que nous décrit Proust dans cette partie de la recherche, il faut avoir une grande capacité d'absorption. Et ça fait partie de ce projet face à la guerre qui détruit les monuments, qui efface les nations. Il faut que chaque individu ait en lui la capacité de contenir tout ce monde en train de disparaître. Dans ce que vous venez d'évoquer, il y a ce qui nous dépasse tous, alors les individus, la société, les nations, l'histoire, la civilisation, tous les mots peuvent être évoqués. Et puis après, il y a le retour à l'individu. En temps de guerre, il y a des morts. Il voulait absolument retrouver le corps qui n'a été rejeté de la mer que 8 jours après, ou 9 jours, sur la rive et sur la... Et alors... On avait même pensé pendant longtemps que c'était des requins qui devaient l'avoir mangé parce que On était très étonnés qu'il était entré pour nageur et que quand il a fait son essai, il ne se soit pas des... il ne se soit pas sorti de son accident. Sublime archive, c'est Céleste Albaret, donc la servante de Marcel Proust, qui nous a confié tant sur Proust, sa manière de vie, sa manière de voir le monde, et qui évoque ici la mort d'Alfred Agostinelli, donc au plus près de Marcel Proust, Nathalie Mauriac d'ailleurs. Proust, père des proches, là aussi c'est une relecture complète du monde pour Proust, ça transparaît dans son œuvre, la souffrance, le deuil, c'est quelque chose de très fort. Oui, le deuil est un leitmotiv du livre, bien sûr. Le deuil de la grand-mère dans le roman, le deuil d'Albertine, le deuil de Saint-Loup, et comme le dit Céleste, donc le deuil d'Alfred Agostinelli, dont Proust dit dans sa correspondance qu'elle est son avant-guerre. Étrangement, ce deuil est son avant-guerre. Pourquoi il dit ça ? C'est très étrange. Mais c'est ce qu'il dit, comme si la guerre avait commencé pour lui. Agostinelli meurt le 30 mai 1914, très peu de temps avant la déclaration de guerre, et peut-être c'est le début de quelque chose. Mais tout à l'heure, vous vous demandiez comment Proust connaissait le front. Il faut bien voir qu'il y avait les permissionnaires. Et il y a des choses magnifiques sur les permissionnaires qui viennent, dit-il, comme s'ils venaient des rivages de la mort, où ils allaient retourner. Donc ce sentiment que ce sont des êtres qui viennent de la mort et qui vont y retourner. Et il a rencontré forcément des soldats. On sait, par des lettres qu'on a découvertes récemment, qu'il avait des filleuls de guerre auxquels il envoyait des confitures. Donc il a forcément eu des relations de directes sur ce qui se passait au front, ne serait-ce que par son frère. Donc je pense que la boucherie épouvantable, et encore le terme de boucherie n'est pas juste, parce que c'est dire le boucher travaille les carcasses de manière fine. C'est pire qu'une, ce n'est pas de la boucherie, c'est un carnage. C'est oui. Un carnage. Voilà, exactement. Donc mais Proust connaît ce qui se passe au front par des témoignages. C'est vrai que son frère, Robert, revient, raconte des choses. On vient d'évoquer Alfred Agostinelli, donc, qui était son chauffeur, son secrétaire au plus proche de lui. Alors, il n'a pas pu revenir, il est décédé très tôt, en 1914. Mais Proust est attentive à tout ce qui se passe au-delà des journaux. Il cherche chez les permissionnaires de savoir ce qui se passe au front pour peut-être, éventuellement, le mettre dans son œuvre. Mais on sent que ce n'est pas la motivation première, c'est pour lui, pour comprendre. C'est aussi, il y a aussi une restitution du langage du peuple dans le passage de la guerre, qui se passe dans l'épisode très pénible de l'hôtel de Jupien, dont il faudra parler parce qu'il fait partie de la guerre où là, les personnes qui, les prostituées sont des permissionnaires. Donc Proust, en fait, a une vision extrêmement lucide de ce qui se passe en temps de guerre. C'est absolument pas de la langue de bois. Il nous parle de la prostitution masculine, il nous parle des prostituées féminines sur le front. Hein, une chose qu'il évoque brièvement, mais il l'évoque. Ce qui m'amène à dire une chose vraiment importante, c'est que la guerre, l'épisode de la guerre, a été publié ddans Le Temps retrouvé, donc 5 ans après la mort de Proust. Mais en réalité, Proust ne l'avait absolument pas prévu pour Le Temps retrouvé. Il l'avait prévu pour Sodome et Gomorre. Quand, en mai 1916, il écrit à son nouvel éditeur Gaston Gallimard, il lui dit « Mon livre, plus long que je ne m'en rendais compte moi-même, comporte un nouveau volume que j'intitule Sodome et Gomorre. » C'est dans ce Sodome et Gomorre que se trouve le long passage sur Monsieur de Charlus. Et donc, la réalité de la guerre chez Proust, c'est justement la mythologie de Sodome et Gomorre. Donc ça, c'est quelque chose d'extrêmement important. On pourra peut-être en reparler, parce que c'est vraiment... Allez-y. Il y a un long, long passage. Donc ce long passage où le narrateur parle avec Charlus est suivi donc de la découverte de tout à fait inattendue de cet hôtel de passe, d'où sort un très bel officier qui lui rappelle bizarrement Saint-Loup, dans lequel il rentre et où il découvre des permissionnaires qui attendent de monter dans telle et telle chambre pour satisfaire les besoins d'un abbé, d'un député, que sais-je. Donc c'est extrêmement mauvais genre. Et puis on découvre donc que M. de Charlus se fait fouetter au sang dans cette maison de passe. Et en sortant de là, Charlus, plutôt avant, Charlus parle au narrateur de Pompéi, de l'enfouissement de Paris comme l'enfouissement de Pompéi sous les laves des bombardements, et dit qu'à Pompéi, on avait retrouvé l'inscription « Sodoma ». Sur un mur, Sodome et Gomorre sur un mur. Donc, si bien que la guerre pour Proust, elle est mythifiée, elle est placée sous le signe du feu divin. Et quand Proust, en 1916, annonce Sodome et Gomorre, c'est après les premiers bombardements allemands. Et il est fort possible que ce sont ces bombardements qui lui ont donné l'idée de créer cette grande série qui, en fait, devait compter 1, 2, 3, 4, 5, peut-être 6 parties, et qui donc a été malheureusement intégrée au temps retrouvé, mais n'en fait pas partie. C'est important de le dire. Oui, c'est important de parler de cette temporalité d'édition. D'ailleurs, Nathalie Mauriac, d'ailleurs, vous êtes directrice de recherche au CNRS et spécialiste de cette réflexion sur l'édition même, la construction de l'œuvre de Marcel Proust. Marcel Proust face à la guerre dans le cours de l'histoire. Et puis les tranchées. France Culture, le cours de l'histoire. Les poux chez les Allemands comme chez nous. Et au cours de 4 années, les obus, les gaz, les morts, la guerre. Xavier Mauduit. Hervé Pichery, au moment de parler de Proust face à la guerre, nous n'arrêtons pas d'évoquer l'homme Proust face à la guerre et puis l'auteur dans les œuvres. Qu'y a-t-il de la guerre ? On peut se poser la question du vocabulaire. Vous avez travaillé sur Proust et Céline. C'est sûr qu'avec Céline, le vocabulaire lié à la guerre est un vocabulaire direct, cru. Comment Proust s'empare-t-il de ce vocabulaire particulier ? Alors, c'est quelque chose qu'il donne encore à ses personnages qui entrent dans le texte par les personnages et qu'il commente, que le narrateur commente comme étant un autre phénomène de transformation, une autre marque du passage du temps. Et c'est quelque chose qui rappelle l'influence de Française. Il y a le très beau passage où... Il commente le vocabulaire de Françoise. C'est un autre moyen de montrer l'évolution de la langue qui nous mène vers une autre version du français. Tout comme le narrateur observe que le français n'est jamais que du latin mal parlé. Oui, c'est ça. Et dans ce vocabulaire, nous savons que la Première Guerre mondiale a créé énormément de mots, certains très... crus, directs, d'autres devenus des mots courants, les poilus, les boches, etc. Proust utilise-t-il ces mots-là ? Il les distribue pour la plupart aux personnages. Mais il les utilise au sens où il est conscient, parce qu'il est à l'écoute des conversations de son temps, et il adapte son écriture à l'évolution de la langue. Oui, c'est la marque du temps qui passe et c'est la marque de l'influence de ce temps sur le narrateur aussi. Le temps qui est au cœur de la réflexion de Proust, enfin c'est le temps perdu, c'est le temps retrouvé. Ce temps-là, il y a une autre temporalité d'écriture aussi, c'est l'écriture de correspondance. Et nous en avons parlé, Proust écrivait à ceux qui sont au front. Marie Duclos m'ayant envoyé un livre de Proust qui était, je crois, César Mélélis, je lui avais répondu du front, comme c'était une lettre très admirative pour la préface de Proust, Marie Duclos l'a envoyée à Proust. Et Proust m'a écrit. Et il m'a envoyé Swann, et il m'a envoyé beaucoup de lettres que j'ai perdues dans les tranchées. J'en ai une de 75 pages sur l'amour et la jalousie, qui était en quelque sorte des brouillons. Parce que moi, j'étais à ce moment-là à la guerre, et la question de la jalousie se posait pas beaucoup pour moi, puisque j'avais pas de fille. Mais ça fait rien, il m'envoyait donc ses brouillons, et par gentillesse, comme des cadeaux, que vraiment j'aurais dû mieux conserver. C'était sa participation à l'effort de guerre. C'était une... Ah oui, il était très impressionné par la question des soldats, de la guerre, bien sûr. Oui, sûrement. Oui, ah oui, il n'y a pas de doute. L'idée que j'étais combattant a beaucoup joué dans mes rapports avec lui. Nous venons d'entendre Emmanuel Berle. Alors Emmanuel Berle, historien, écrivain, journaliste aussi, qui s'exprimait en 1968 sur ses souvenirs. Il était au front, il échangeait avec Proust. Et d'ailleurs, il voyait Proust à Paris quand il était à Paris. Nathalie Mauriac d'ailleurs. Proust et ses échanges, c'est assez fascinant, nous l'entendons ici, 75 pages reçues. Proust écrivait beaucoup ses lettres, ses correspondances, et cette découverte des filleuls de guerre, quelque chose quand même de très particulier, c'est-à-dire que nous imaginons souvent Proust enfermé dans sa chambre, complètement calfeutré. Non, pas du tout, il est dans son monde, dans son siècle. Alors oui, cette histoire de Proust dans sa tour d'ivoire enfermée, non, c'est un mythe. Il ne sortait pas quand il était malade, quand il écrivait bien sûr, mais il écrivait beaucoup la nuit. Non, Proust est un homme totalement imprégné de son monde. C'est un homme qui vit du monde. C'est un homme qui vit de la société, qui vit de la lecture des journaux. Donc c'est absolument pas quelqu'un qui est dans sa tour d'ivoire. Sur le vocabulaire de la guerre, Proust le déteste. Il le déteste absolument, il le déteste parce qu'il voit, ces grands intellectuels qui l'utilisent à tour de bras, poilus et boches, etc. Donc, comme l'a dit Hervé Pichery, dans le roman, ce ne sont que les personnages qui utilisent poilus et qui utilisent boches. Quand le narrateur l'utilise, c'est toujours entre guillemets, de manière à prendre ses distances. Hein. Mais ce qui est important aussi de comprendre, c'est que le moment de la guerre pour Proust est un moment d'intense travail. C'est-à-dire que depuis le moment où la suite de son roman et son édition est suspendue, il ne fait qu'écrire et que très vraisemblablement, début 1917, il a déjà une version complète de son œuvre. C'est-à-dire qu'il a déjà écrit le mot « fin » puisque début 1917, il écrit à Gallimard ou à un de son équipe que son livre est là, il n'y a qu'à prendre les cahiers si jamais il meurt. Donc c'est vraiment un moment d'intense création. Et on se rend compte que tous les passages qui sont sur les bombardements des Gotha sont des ajouts à partir de 1918. Mais la première version, c'est vraiment 1915-1916. Et donc, c'est un moment d'intense création. Et ce qu'il faut souligner tout de même, c'est que c'est remarquable, cet homme qui insère instantanément la guerre à chaud dans le roman. Oui. Il n'y a absolument aucune difficulté à insérer la guerre. Et pourquoi ? Peut-être parce que la guerre est un accélérateur. Elle fait apparaître les caractères plus clairement, elle fait apparaître les problèmes esthétiques plus clairement, elle fait apparaître l'érotique aussi, homosexuelle, plus clairement. Donc c'est vraiment un accélérateur pour Proust. Et en fait, là, ce qu'on a entendu tout à l'heure, à savoir que l'avant-guerre serait séparée comme par un fossé géologique, en fait, Proust n'en croit pas un mot. Parce que dans les pages qui suivent, il montre qu'au contraire, c'est exactement comme avant. Madame Verdurin continue à recevoir dans son salon et Monsieur de Charlus continue à aller à ses plaisirs. Il n'y a aucune différence. La seule différence dans les salons, c'est que on reçoit maintenant des Dreyfusards pourvu qu'ils soient devenus militaristes, hein, mais que sinon il y a toujours la catégorie des bien-pensants et des mal-pensants. Ça ne changera jamais. Donc il n'y a absolument pas pour lui l'idée que la guerre change quoi que ce soit. Tellement peu. Elle change tellement peu les choses que la première chose qu'il nous dit de la guerre, c'est que les femmes s'habillent comme sous le directoire. C'est-à-dire qu'on a l'impression d'être sous le directoire avec leur robe extravagante et leur la mode guerre. Hein. Et après, il y a une comparaison avec les uniformes des soldats alliés qui sont là de toutes les couleurs. Et ça lui fait penser à Paris en 1815, donc le Paris occupé de la chute de Napoléon. Donc tout ça, finalement, ça revient. De même, Saint-Loup dit bien, enfin, on peut penser que là, c'est l'opinion de Proust, que ce que fait Hindenburg, en fait, ça n'est que répéter les schémas stratégiques de Napoléon. Donc en fait, la guerre n'est absolument pas pour Proust une rupture au sens où les postures et les habitudes restent et se maintiennent. Et donc avec cette tout d'un coup cette plongée dans le passé profond avec l'image magnifique de Paris-Pompéi et Paris-Sodome, avec en même temps un côté farcesque, parce que bien sûr, les homosexuels, non seulement à la fin de Sodome, n'ont pas été chassés, enfin, ont été chassés du paradis, mais Sodome n'a pas été détruite, et à nouveau, Sodome n'est pas détruit, parce que se passe-t-il pendant les bombardements? Les homosexuels vont dans le métro et en profitent. Donc c'est absolument humoristique, en réalité. Donc il y a un renversement du modèle biblique de la punition, etc., en fait, on va profiter du métro, ce qui est extrêmement choquant. Je pense que Proust avait conscience que c'était le chapitre le plus sulfureux de son œuvre. Et Proust a conscience aussi de tout ce qui se passe autour de lui, et notamment les romans liés à la guerre. Hervé Pichery, autour de Proust, alors on pourrait en citer énormément, mais il y a des écritures, mais même Céline, qui vont dénoncer ce qui se passe à l'arrière, c'est-à-dire ce schéma du poilu combattant, qui est vrai, et puis un arrière attentiste. Comment se crée ce dialogue, s'il y a dialogue, entre ces œuvres? Est-ce que Proust est à l'écoute de ce qui se passe, de ce qui s'écrit, notamment Le Feu de Barbuse et tant d'autres ouvrages? Oui, certainement. Je pense qu'il le distingue, par contre, c'est le fait d'être à l'arrière et de pouvoir voir la destruction qui dépasse la destruction matérielle du front. Donc il y a quand même cette évolution qui s'accélère, cette disparition de tout un monde, et aussi cette dislocation d'un peuple qui, avec la disparition de l'Église, ne se retrouvera plus comme avant, qui aura besoin de trouver un autre modèle. Et c'est ce dont Proust est conscient, étant à l'arrière et non pas au front. D'ailleurs, le rapprochement avec Sodome, il relie Sodome et Gomorrhe et le sort d'Israël aussi. Il parle d'un peuple ostracisé. Et je pense que ça devient le modèle qui représente pour lui l'expérience à l'arrière. C'est un peuple en train de perdre ses repères qui aura à remplacer tout ce qui est en train de disparaître. Et c'est ce qu'il propose à ses lecteurs. Ce qu'il propose à ses lecteurs, effectivement, c'est un panorama très complexe de la société, alors principalement parisienne, qui est en réalité cosmopolite depuis le début du XXe siècle. Il y a toujours ce décalage où l'actualité rentre soudainement avec la guerre. Et dans le cours de l'histoire, nous aimons les belles archives. Eh bien, ça tombe bien. Écoutez Adrienne Monnier, une libraire qui se souvient avoir vu Guillaume Apollinaire. Apollinaire est venu dans le courant de l'année 16. Un jour, je le vois passer devant la vitrine avec Léoto, que je connaissais bien, que je voyais très souvent en allant au Mercure de France faire mes réassortiments. Et je reconnais tout de suite Apollinaire, je ne l'avais jamais vu. D'ailleurs, quelqu'un, je crois, était dans la librairie qui dit « Voilà Apollinaire ». Alors, il était en uniforme, puis il avait cette espèce de petit bandage autour du front, n'est-ce pas, avec cette tête en forme de poire, un tout petit peu perlubu, si on veut. Et puis, je le regarde de tous mes yeux, et puis il passe. Alors, quelques minutes après, il revient, je le vois ouvrir la porte brusquement, et il me dit « C'est tout de même malheureux que dans cette sacrée maison, il n'y a pas un livre de combattant en vitrine. » C'est en 1947 que s'exprimait Adrienne Monnier. Mais oui, c'est ça, il faut des livres de combattants, mais Proust n'est pas combattant. Proust étudie alors un univers sans doute complexe et souvent violent, mais celui des salons, pas celui du front. Nathalie Mauriac, d'ailleurs, justement, Proust, comment est-il perçu? Est-ce que à un moment donné, la recherche, ou en tout cas Sodome et Gomorrhe, le temps retrouvé, ont pu être lus comme des romans de guerre ou qui évoquent cette période de la guerre? Est-ce que c'est au centre? On pense souvent avec Proust à la bonne société et au salon. On peut dire qu'il est heureux pour Proust que Le Temps retrouvé soit paru presque 10 ans après l'armistice. Ça aurait fait scandale? Oui, ça aurait certainement fait scandale et certainement qu'il aurait beaucoup, je pense qu'il aurait beaucoup retravaillé sur, comme il faisait toujours, sur les dactylographies et sur les épreuves, parce que là, ce qu'on publie, c'est un manuscrit qui n'a pas été relu, qui a simplement été enrichi, qui n'a absolument pas relu, et il aurait certainement, je pense que la portée, la portée provocatrice n'est pas encore bien perçue. On s'en est occupé, les lecteurs de Proust s'en sont occupés lors de l'anniversaire, Hein, voilà, c'est en 2014, 2015, 2016, on a travaillé sur Proust et la guerre à cause de l'anniversaire. Ça, c'est un problème français. Mais je pense que Proust est un écrivain. Oui, est un écrivain de la guerre. Pourquoi ? Si on peut être un écrivain de la guerre sans être un écrivain combattant, absolument. Je crois qu'il l'a montré. Il a tenu à insérer dans le livre, dans le manuscrit, un passage dans lequel il évoque une famille qui s'appelle les Larivière. Et dit-il, c'est le seul nom authentique de mon livre. Et c'est une famille française qui a été touchée par un deuil. Et il montre comment la partie la plus riche de la famille a soutenu une petite cafetière qui avait perdu son mari en allant dans le café travailler avec elle. Et il fait un éloge du peuple français qui est très touchant. Donc, Proust écrivain de guerre, oui. Non, mais oui, on peut le dire. Proust écrivain de guerre. Et puis, comme disait Philippe Chardin, avec qui on avait fait ce collectif sur la question, Proust soldat de la littérature. Je trouvais que c'était une belle formule. Parce que oui, comme il le disait, mon devoir est d'écrire mon livre. Et donc, comme il l'a dit plus tard à Gallimard, on ne se rend pas compte du travail que j'ai fourni pour écrire ce livre. C'est un véritable travail de forçat qu'il a fait pour écrire ce livre. Donc, il a fait sa guerre d'une certaine façon en rendant compte, en écrivant son livre et en rendant compte de l'arrière des permissionnaires d'une manière qui est très incorrecte, mais qui est assez bouleversante. Nathalie Mauriac, d'ailleurs, avec Philippe Chardin, vous avez dirigé un Proust écrivain de la Première Guerre mondiale aux éditions universitaires de Dijon. Et dans cette mise en récit et en littérature, il y a cet aspect de fiction. Hervé Pichery, cette fiction de la guerre chez Proust à quelque chose qui échappe simplement à la narration. C'est-à-dire qu'il y a une vision beaucoup plus globale, beaucoup plus forte de la guerre. Il y a presque quelque chose de mystique. Mais dans l'écriture de Proust, il y a cette recherche du passé sans cesse reliée au présent. Et le moment de la guerre s'inscrit dans cette écriture. Tout à fait, oui. Je dirais même que c'est un écrivain de la guerre en ce sens qu'il offre un remède aux dégâts sociaux causés par cette guerre. Et c'est un remède en large partie, on pourrait presque dire mystique, du fait que la lecture de la recherche, c'était un énorme travail pour Proust d'écrire ce livre. C'est un grand travail pour le lecteur qui fait l'apprentissage d'une manière de penser, qui fait l'apprentissage d'une manière d'être à travers ce livre. D'ailleurs, le passage de Charlus dans l'hôtel de Jupien est très intéressant parce que le parcours du narrateur, entre autres, est celui d'un Français de la haute bourgeoisie typique, sans doute catholique et hétérosexuel, qui fait l'apprentissage de tout ce qu'est Proust. C'est-à-dire, il fait l'apprentissage de l'homosexualité, du judaïsme. Ce sont tous des éléments de ce remède que Proust offre à ses lecteurs. Et c'est comme si Proust était passé en éclaireur. Il avait vécu une manière d'être qu'il offre à ce peuple martyrisé par la guerre. Oui, parce qu'il ne faut pas l'oublier, la guerre, ce sont des douleurs concrètes de gens qui meurent, de gens blessés, ce sont les gueules cassées, de pères, de fils disparus. La guerre, c'est la mort. L'idée qu'on mourra est plus cruel que mourir. Mais moins que l'idée qu'un autre est mort, que, redevenu plane après avoir englouti un être, s'étend sans même un remous à cette place-là une réalité d'où cet être est exclu, où n'existe plus aucun vouloir, aucune connaissance, et de laquelle il est aussi difficile de remonter à l'idée que cet être a vécu, qu'il est difficile du souvenir encore tout récent de sa vie de penser qu'il est assimilable aux images sans consistance, aux souvenirs laissés par les personnages d'un roman qu'on a lu. Un extrait d'Albertine disparue de Marcel Proust, lu par Pierre-Marie Baudouin dans le cours de l'histoire sur France Culture. Oui, la mort comme une évidence dans cette histoire-là, Nathalie Mauriac d'ailleurs. La mort comme une évidence, mais avec toujours, et c'est très complexe avec Proust, ces différentes faces à étudier, le personnage, le narrateur, comment se situe-t-il. Et c'est en cela que Proust est sans cesse complexe, parce que on ne sait jamais vraiment, il nous file toujours entre les doigts, est-ce le personnage qui parle, est-ce le narrateur, ou est-ce Proust lui-même, on ne sait jamais. Oui, il s'est débrouillé pour qu'on ne sache pas. Il a dit, il y a un monsieur qui parle et qui dit « je ». Et puis, il a dit aussi, ce monsieur n'est pas toujours moi. Oui, c'est ça. N'est pas toujours moi. Donc, il l'est bien quelquefois, mais quand ? Donc, il y a ce jeu perpétuel et il nous file toujours entre les doigts. Mais ce très bel extrait-là est particulièrement touchant parce qu'il parle de l'engloutissement. Et en fait, cet engloutissement qui a l'air d'être une métaphore, parce que l'être est englouti, dit-il, par la mort. En fait, il parle dans une lettre de son secrétaire Agostinelli qui a été englouti aussi dans la mer. Donc on voit comment, en fait, la métaphore n'en est pas une. Voilà, donc c'est l'écriture de Proust est toujours tellement subtile et complexe qu'effectivement, on peut y passer sa vie. Mais si on revient à la fiction et aux personnages, ce qui est très intéressant, c'est que la guerre donne à Proust l'occasion de, je dirais, d'accuser le trait des personnages. Hein. C'est Madame Verdurin qui lit les horreurs du naufrage du Lusitania, mais qui ne peut pas s'empêcher d'avoir un air de cette douce satisfaction, parce qu'en même temps, elle fait trempette de son croissant obtenu par Piston dans son café au lait. Hein. Donc c'est Morel qui est déserteur, et puis qui, par un retournement de situation, quand il se retrouvera au front, finalement, sera héroïque. Hein. C'est Bloch qui est extrêmement nationaliste et patriote quand il pense qu'il est réformé, et puis quand il est réquisitionné, tout d'un coup il devient pacifiste. Donc il y a cette cruauté de Proust de montrer comment chacun a ses passions. C'est aussi une chose qui est tout de même très significative de Proust. Il critique violemment la presse, hein, mais il critique autant Madame Verdurin, qui se moque en public dans ses salons des articles de Brichot. Voilà, c'est ça. Ce qu'écrit Brichot est absurde, mais Madame Verdurin se moquant publiquement de Brichot et faisant rire à ses dépens les duchesses, ça, c'est mal. Donc ça, c'est Proust. Il y a avec Proust ce phénomène toujours complexe, et c'est ça qui est passionnant, et ça explique aussi le succès de la recherche. Et puis quand nous parlons de Proust, nous ne citons pas de prénom. Il y a Marcel, et puis il y a Robert Proust, dont vous descendez, Nathalie Mauriac, d'ailleurs. Et c'est important aussi de rappeler que dans cet univers-là, cet univers familial, il y a le héros qui est au combat, qui est Robert. Et Robert Proust, c'est aussi un personnage important, effacé par l'ombre de celui qui a pris le nom Proust, mais très important aussi. Oui, je pensais autrefois que quand Robert Proust a publié l'œuvre posthume de son frère, en fait, il a fait sur ce corps du texte ce qu'il n'a pas pu faire en sauvant son frère. Son frère a refusé d'être soigné en 1922 par Robert Proust, et donc il aurait peut-être pu être sauvé, peut-être pas. Mais enfin, je pense qu'il s'est trouvé avec un texte qui était incomplet, inachevé, et il a essayé de le réparer, hein, parce que c'était un chirurgien et il était dans l'amour de la réparation. C'est très beau ce que vous venez de dire, effectivement. Il a réparé ce texte et cette mémoire. Merci beaucoup à vous, Nathalie Mauriac, d'ailleurs. Et merci aussi à vous, Hervé Pichery. Et puis, je voudrais juste signaler l'ouvrage Proust et la guerre aussi, parmi, à côté de vos ouvrages, tout ça, c'est sur le site internet hein, du cours de l'histoire, l'ouvrage de Brigitte Mahuzier, Proust et la guerre. Merci vivement de ces explications. Phénomène complexe, Proust, mais passionnant. Il est temps de retrouver Gérard Noiriel, alors lui, très clair, avec le pourquoi du comment. Pourquoi se méfier du carnaval ? Dans la tradition catholique, le carnaval est la période qui précède le carême, durant laquelle se déroulent des réjouissances publiques, mascarades, défilés de chars, batailles de confettis, etc. Bien qu'aujourd'hui l'événement soit fréquemment exploité par les autorités locales pour créer du consensus et attirer les touristes, les festivités du carnaval réactivent parfois la dimension subversive qu'il a souvent eue dans le passé. Ce fut le cas pour la Martinique en février 2021. En raison de l'épidémie de Covid,